Chapitre 19e. Lorsqu'Henri ne fut plus en présence de Madame d'Albreuse, quelque chose se mit à crier dans son cœur. Le souvenir de son père lui revint tout d'un coup. Un frisson passa dans ses veines. Mais il était dans cet âge où l'exaltation s'accroît de la grandeur même du sacrifice. Plus il donnait à Julie, plus il l'aimait, il avait le fanatisme du dévouement. Quand il la connaîtra mieux, il lui pardonnera, se disait-il. Est-elle coupable, celle qui ne trouve dans l'homme qui l'a lié à son sort, ni appui, ni tendresse, ni grandeur? Est-elle coupable, celle qu'on abandonne et qui succombe au milieu des embûches tendues sous ses pieds? Mon père a l'âme haute. Il m'aidera à la relever, et lui-même la poussera dans mes bras, quand il verra que, par elle seule, je puis être heureux. Mais le torrent des paradoxes écoulé, la même voix se faisait entendre au fond de son cœur troublé, et il n'en pouvait étouffer la sévérité. Il passa la nuit à écrire à Madame d'Albreuse, à faire des projets. Le petit jour le surprit dans cette même fièvre. Julie savait seule à Paris que M. d'Albreuse était en péril de mort. La lettre qu'elle avait reçue lui disait que l'agonie serait prochaine et que chaque heure pouvait en marquer la fin. La science ne luttait plus contre les assauts de la maladie. Un ami la prévenait pour qu'elle mît ordre à ses affaires et pût sauver quelque chose du naufrage, en supposant que cela fût encore possible. Ces choses, racontées en partie à Henri, mais arrangées, et afin de ne donner l'éveil à personne, Madame d'Albreuse ne changea rien à son genre de vie. Même mouvement, même dissipation. Henri ne se rendait pas bien compte de cette activité mondaine, dans un moment où il lui semblait que Madame d'Albreuse devait être tout à lui. Mais il en subissait lui-même la loi bruyante par cette raison que Julie le voulait. Ce n'était pas cependant sans des mouvements d'impatience et une sourde irritation, dont la présence de M. Desbordes redoublait les accès. Il éprouvait même contre ce personnage des élans d'une haine farouche, qui le maintenait dans un état de fièvre constante. C'était la première fois qu'un sentiment d'aversion se faisait jour dans son âme et il s'en étonnait. Pourquoi le maître de forge les inspirait-il et non un autre? Le hasard lui fit bientôt voir que cet autre pouvait se trouver aussi. Parmi les habitués du salon de Madame d'Abreuse, il y avait alors un certain baron de Prats qui avait quelque esprit, de la fortune et une bonne dose d'assurance mêlée de vanité. Une aventure de jeunesse qui avait fait grand bruit lui donnait de son mérite une opinion dont il ne se dissimulait pas les complaisances. Monsieur Prats tournait autour de Madame d'Albreuse. Julie le faisait tourner. La jalousie, s'ajoutant à la fièvre qui le dévorait, pouvait par instant précipiter Henri sur le chemin de toutes les folies. Que devint-il un soir lorsque Madame d'Albreuse, venant à perdre un bouquet, il vit M. de Prats le ramasser, y choisir une rose, la porter à ses lèvres et rendre les fleurs à Julie, qui s'enfuyait tournant la tête à demi. Il eut comme un éblouissement. En un instant et sans même se rendre compte de ce qu'il faisait, il était auprès du baron et le saisissant par la main. « Monsieur » s'écria-t-il. « Qu'est-ce ? » répliqua M. de Prats qui se dégagea. « Voilà une rose qui était tout à l'heure dans le bouquet de Madame d'Albreuse. » Où vous l'avez prise, je crois. » Monsieur de Prats fit tourner la fleur entre le pouce et l'index, à la hauteur de son visage, et paraissant l'examiner avec plus d'attention. « C'est une rose blanche, en effet, » reprit-il. « Je n'en ai jamais vu de plus jolie et qui ait un parfum plus agréable. Après ?» À ce dernier mot qui partit comme une balle, la colère d'Henri ne connut plus de bornes. « Eh bien, dit-il, il ne me plaît pas que votre fatuité ait les bénéfices d'une insolence qui outrage Madame d'Albreuse. » M. de Prats prit une attitude cavalière et caressant la fleur du bout des lèvres. « Par hasard, monsieur, aurais-je affaire à M. d'Albreuse en personne ? » reprit-il. « Je n'ai pas encore eu l'honneur de lui être présenté, son habitude étant de se promener dans les pays les plus lointains. » Henri sentit le rouge lui monter au visage. « Monsieur, s'écria-t-il, j'ai prononcé un mot que je ne rétracterai pas. Entre gens du monde, j'imagine que cela suffit. C'est bien mon sentiment. » Et maintenant que j'ai l'assurance de n'être pas en présence de M. d'Albreuse, voici ma carte. Je ferai observer seulement que si Mme d'Albreuse est compromise, ce ne sera pas ma faute. À propos, si vos témoins ne sont pas chez moi demain, avant 11 heures, les miens seront chez vous avant midi. M. de Prats salua Henri et s'éloigna, la rose blanche à la main. Peu de minutes après cet entretien, dont pas une syllabe n'avait été entendue, Henri entrait chez le duc de Carlepont, qu'il trouvait écrivant à M. de Bléré. Un jour, vous m'avez fait jurer de ne jamais rien vous cacher, quoi qu'il pût m'arriver, lui dit-il. Pardonnez-moi donc si je viens vous troubler à une heure aussi avancée de la nuit. Demain, je me bats. » Monsieur de Carlepont sauta sur ses pieds et entoura Henri de ses bras. « Mon fils » s'écria-t-il, puis se remettant presque aussitôt. « Je connais trop les hasards de la vie, » reprit-il, « pour ne pas savoir que ces folies deviennent quelquefois des nécessités. Expliquez-vous donc. » En peu de mots, et d'une voix encore émue, Henri mit son père au courant de ce qui était arrivé. Le visage du duc changea d'expression. « Ah, je croyais qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux, » dit-il. « Quoi, mon père, lorsqu'il s'agit d'une femme ?»« J'ai bien entendu. » « Madame d'Albreuse, toujours Madame d'Albreuse. Ah, vous n'aimez pas, mais puis-je laisser un fat ?»« Un fat fait son métier en gardant une fleur qu'une coquette lui laisse prendre. » « Vous ne faites pas le vôtre en affichant une femme qui ne vous a pas donné le droit de la compromettre, si compromise qu'elle soit. »« Monsieur !» Monsieur de Carlepont prit un air d'autorité. « Je n'ai pas fini. »« Donc veuillez ne pas m'interrompre, » dit-il. « D'ailleurs, dans cette affaire dont j'ai bien saisi tous les détails, croyez-le, il est un point capital auquel vous ne paraissez pas prendre garde et qui emporte le reste. Je ne vous comprends pas. » « Tous les torts sont de votre côté, Henri. Vous avez eu tort dans le fond et tort dans la forme. » Henri ouvrit la bouche pour parler. M. de Carlepont l'interrompit. « Donc, » continua-t-il, « vous irez demain chez M. le baron de Prats, mais ce sera pour lui exprimer tous vos regrets. »« Quoi? Vous voulez que moi ?» La voix lui manqua tout d'un coup. « Oui, je le veux, » ajouta le duc. Henri cacha son visage entre ses mains. « Ah, si j'avais su, » reprit-il, « vous ne seriez pas venu. C'est là ce que vous voulez dire. Et vous auriez fait l'œuvre d'un fou, après avoir fait une action qui n'est pas celle d'un gentilhomme. » Henri était devenu blanc comme un linceul. « Ma première affaire est débutée par des excuses, » murmura-t-il. « Ah, l'orgueil paternel, je l'entends, je le vois. Mais je l'écraserai, » pensa le duc. « Tel j'étais, il ne sera pas. » C'était la première fois que le duc de Carlepont et son fils se trouvaient en lutte. La ville faisait son œuvre, et du premier coup allait aux explosions. Où était l'adolescent qu'on avait vu à la Cormelle, pliant sous un faix de bois mort et accourant tout joyeux à l'appel de son père. Maintenant il avait l'œil irrité, le visage tout bouleversé par mille passions mauvaises, la lèvre pâle et l'esprit de révolte gonflaient son cœur. Le duc s'attendait à cette épreuve et d'avance il en avait accepté les douleurs. D'un geste impérieux, il montra un fauteuil à son fils et souriant à demi. « Puisque vous hésitez, reprit-il, vous plaît-il, mon fils, que nous causions ? J'écarterai de ce débat la personne de Madame d'Albreuse, bien qu'en bonne justice elle soit la seule cause du trouble qui se fait dans votre conscience, et j'en parlerai comme d'une Parisienne que vous auriez rencontrée aux eaux. Je ne dirai pas, comme monsieur le baron de Prats, êtes-vous son mari, mais je vous demanderai de quel droit vous apportez le scandale dans sa vie. Est-ce parce qu'elle vous a distingué de la foule qui traversait ses salons, et qu'elle vous a ouvert une part de son cœur, étrange façon de la remercier ? Vous a-t-elle donné mission de la défendre et de vous proclamer en tout lieu son chevalier, dans un temps où il n'y a plus ni paladin ni châtelaine ? Ou par hasard seriez-vous assez novice pour croire que les femmes permettent longtemps ce qu'elles n'autorisent pas ? Sachez qu'on ne prend jamais que ce qu'elles donnent. Ayez pour certain que si M. de Prats accueille une rose dans le bouquet qui a été porté à sa main l'espace d'une minute, cette fleur sera la dernière s'il s'en est emparé contre le gré de la personne dont nous parlons. Mais si au contraire, elle a consenti à ce larcin banal, vos colères ne l'empêcheront pas de l'effeuiller jusqu'à ce que le bouquet tombe en poussière. Maintenant, un homme du monde est là qui profite de l'occasion offerte. Il le fait galamment, sans bruit, en personne qui sait dans quel boudoir la conduit son caprice, et voilà que vous l'abordez en mousquetaire, la menace dans les yeux, la provocation à la bouche, hérissé, violent, farouche et tout prêt aux estocades. Que diriez-vous d'un brutal qui interromprait par le roulement d'un tambour la romance fredonnée au coin d'un piano ? Si vous m'avez fait le confident de cette aventure, c'est qu'apparemment vous estimez que j'ai quelque droit à donner mon avis sur les conséquences qu'elle peut avoir. En somme, étant le père et le chef, je suis le gardien du nom. Or, il ne me plaît pas que vous entriez dans la vie par une mauvaise porte. Vous m'estimez trop, j'imagine, pour penser que ce soit la crainte de quelques gouttes de sang qui m'arrête. Il est des heures où je serai prodigue du vôtre, et vous pousserez à le répandre jusqu'à l'épuisement de vos veines. Mais est-ce bien le cas, dites, et dois-je vous crier « Allez !» Vous n'oseriez pas me le conseiller vous-même. Qu'un amour-propre exagéré ne vous retienne pas. Sortez des puérilités, de la jeunesse par un acte empreint de virilité, et montrez par un aveu hardi que vous êtes au niveau de toutes les épreuves. ne serait-ce pas là d'ailleurs, et par ma présence, moi votre père? Est-ce que je n'accepte pas une part de responsabilité dans votre démarche? Votre honneur n'est-il pas couvert à l'abri du mien? » Henri poussa un profond soupir. Il était à demi convaincu, mais l'ardeur du sang l'empêchait de céder tout d'un coup. « Ah, que me demandez-vous » s'écria-t-il. M. de Carlepont le saisit par la main et lui jeta un regard empreint de sévérité. « Songez-y, » reprit-il, « si vous hésitez, c'est moi qui me rendrai chez le baron de Prats. Vous ? Et ce que vous ne voulez pas dire, moi je le dirai. Ah, mon père, j'irai. » C'est toi, M. de Carlepont, embrassa Henri. « Bien, mon fils, bien. Cela prouve que tu es véritablement un homme. Demain, à 10 heures, je t'attendrai. » Le duc serra la main de son fils et l'accompagna jusqu'à la porte. « La route est difficile, mais il sera ce que je veux qu'il soit, » dit-il. Le lendemain, avant 11 heures, le duc de Carlepont et son fils se présentèrent chez M. de Prats. On les introduisit sur le champ. Ils trouvèrent le baron qui fumait, debout devant la cheminée en compagnie de deux jeunes gens. Il portait une rose à la boutonnière. Le baron ne connaissait pas le duc. Il le salua et montrant à Henri ses deux amis, « Ces messieurs ont été mis au fait de l'aventure. Allez donc, je vous prie, droit au but. Quoique j'aie le choix des armes, étant provoqué, j'accepte d'avance vos conditions. » Henri appuya la main sur le dos d'un fauteuil. Son père le regardait. Il était livide. « Monsieur, dit-il avec effort, je ne viens point ici pour me battre. Ah ! Je viens vous exprimer tous mes regrets de ce qui s'est passé hier. Les torts seront de mon côté. Je n'hésite pas à le reconnaître. » La surprise se peignit sur le visage des deux jeunes gens, témoins muets de cette scène. L'un d'eux sourit, l'autre jeta son cigare. Le duc était impassible. Henri tremblait un peu. « Vous m'avez fait perdre ma matinée, monsieur, » répliqua le baron. « Mais peut-être avez-vous appris que je manie lestement l'épée, et qu'au pistolet je fais mouche presque à tout coup. » Henri tourna ses yeux effarés vers son père. « Monsieur, » dit-il d'une voix étranglée. « En somme, puisque la sagesse vous est venue en dormant, » poursuivit M. de Prats, « j'accepte vos excuses. Seulement, croyez-moi, à l'avenir, laissez les roses à qui sait les prendre. » On voyait comme une sueur froide sur le front de Henri. M. de Carlepont l'observait en silence. M. de Prats alluma un autre cigare. « Quand un jeune coq a plus de voix que d'ergot, il ne cherche noise à personne, » reprit-il d'un air nonchalant. « Monsieur, je ne vous retiens plus. » Mais comme il inclinait sa tête dédaigneusement, « Mon fils !» s'écria tout à coup le duc, « je crois que M. le baron de Prats vient d'insulter un Carlepont. Tu peux te battre à présent. Ah, tout de suite alors !» Ce fut comme un coup de tonnerre, personne ne riait plus. « Monsieur, les rôles sont changés, » poursuivit le duc. « Nous avons le choix des armes, et puisque l'épée vous est si familière, nous prenons l'épée. Dans 1 heure, mon fils vous attendra aux étangs de Ville d'Avray. » « J'y serai, monsieur le duc, » dit monsieur de Prats avec l'accent du respect. Quand on fut dans la rue, Henri saisit le bras de son père et le serra. « Si vous n'aviez pas parlé, je serais tombé. Merci, » dit-il. « Tu me connais, tu as pu croire que je te laisserais entrer dans la vie avec l'apparence d'une tache sur le front. Allons donc. » Mais presque aussitôt, le duc regardant son fils, « Et Dieu sait cependant si le cœur me bat, » reprit-il. « C'est la première fois que tu vas jouer la vie contre un homme. » Puisse cette rencontre être la dernière aussi. Mais au-dessus de la vie, il y a l'honneur du nom. » 1 heure après, M. de Prats recevait un coup d'épée dans le bras. Il tendit résolument la main à son jeune adversaire. « À mon tour, monsieur, de vous dire franchement, j'ai eu tort, » s'écria-t-il. Demeuré tête à tête, le père embrassa le fils. « Le duel n'est rien, » lui dit-il. « Le courage a été dans la soumission. Si tu restes toujours ce que tu as été tout à l'heure, je ne désespère plus de toi. » « Vous me croyez donc perdu ?» s'écria Henri avec étonnement. « Presque. Oh, Julie !» murmura le jeune homme. Y avait-il dans ce cri un reproche indirect adressé à celui qui méconnaissait la grandeur de son amour ou une invocation passionnée à celle pour qui il recevait de tels coups ? Henri ne s'expliqua pas. « Voilà un sujet grave et douloureux sur lequel nous aurons à revenir, » poursuivit M. de Carlepont. « Aujourd'hui, va remercier Dieu qui t'a tiré sain et sauf de ta première rencontre. » Mais cette journée ne devait pas s'écouler sans qu'il fût de nouveau question de Madame d'Albreuse. M. de Bléré sonna dans la soirée chez M. de Carlepont. « Alerte, » dit-il, « vous croyez tout gagner, n'est-ce pas, parce que vous avez réduit à néant les espérances dorées de l'ennemi ? Il me semble, en effet, que Madame d'Albreuse ne se hâte pas de prendre la fuite. Oui, mais si la colombe, au lieu de passer la frontière avec son beau ramier, ne pensait qu'à faire une promenade amoureuse à l'église de sa paroisse, et voulait s'y présenter les yeux baissés en revenant de la mairie, que voulez-vous dire? Je dis que M. d'Albreuse est au plus mal, que les derniers avis des médecins qui le soignent ou qui le tuent sur les confins de la Hongrie peuvent faire croire qu'il n'en reviendra pas, et que sa veuve, déjà consolée en esprit, pense que le titre et le nom de Carlepont ne lui sierait pas mal. Marquise de Carlepont, Madame d'Albreuse, c'est impossible. Mon ami, j'étais jeune autrefois, et j'ai cru un temps comme vous qu'il y avait des choses impossibles. Plus tard, je me suis aperçu que les plus extravagantes étaient de tous les jours et couraient les rues. Soyez donc bien persuadé que de l'amour à la sottise la plus folle, il n'y a qu'un pas. Je me suis informé et j'ai fait causer. Rien n'est plus vrai que ce que je vous annonce. Quant à croire que notre pauvre Henri connaît les projets de Madame d'Albreuse et s'y soumet, que dis-je, il les accepte. Il suffit de voir le rayonnement de son visage pour en être convaincu. Lui, Henri? Ah, si jamais pareille chose pouvait être, les os de Philiberte crieraient contre moi. Et cela ne sera pas. Vous avez l'autorité du père, et j'ai le dévouement de l'ami. Ce sera bien le diable, si à nous deux nous ne l'emportons pas. Madame d'Albreuse n'est pas où elle croit être. Vous la nommez, vous pouvez plaisanter encore. C'est que je le ferme espoir d'arracher les crocs de cette jolie vipère. Vous avez donc un projet? Certainement. Je me souviendrai, si faire se peut, du temps où j'avais la jambe leste et la moustache blonde. Mais pour cela, il me faut un crédit sur la maison de Thompson, Burnside et compagnie. N'êtes-vous pas le maître? Alors j'en userai. Et soyez tranquille, la victoire nous restera, foi de Breton.